Chapitre 4e. Le 15 août, nous aperçûmes l'île d'Osnabrück ou Maltea, découverte par le capitaine Furneaux, alors que je voulais relâcher dans la baie de Haïtipia, près de l'extrémité sud-est de Tahiti, afin de tirer de cette partie de l'île le plus de rafraîchissement qu'il serait possible avant d'aller à Matavai. Nous fîmes voile ensuite, et à 6 heures du soir, nous vîmes cette île désirée. À la pointe du jour, nous jouîmes d'une de ces belles matinées que les poètes de toutes les nations ont essayé de peindre. Un léger souffle de vent, ridant la surface des eaux, nous apportait de la terre un parfum délicieux. Tout semblait dormir encore. L'aurore ne faisait que poindre, et une obscurité paisible enveloppait le paysage. Nous distinguions cependant des maisons parsemées sous les arbres et sur la côte des pirogues. À un demi-mille du rivage, les vagues mugissaient en se ruant sur un banc de rochers, de niveau avec la mer. Rien n'égalait la tranquillité de l'eau dans l'intérieur du havre. L'astre du jour commençait à éclairer la plaine. Les insulaires sortaient de leurs habitations et animaient peu à peu cette scène charmante. À la vue de nos vaisseaux, plusieurs se hâtèrent de lancer leurs pirogues et ramèrent vers nous, qu'avions tant de joie à les contempler. Nous ne pensions guère alors que nous allions courir le plus grand danger, et que la destruction menaçait bientôt les vaisseaux et les équipages, sur les bords même de cette île fortunée. Nous avions les chaloupes en mer, afin de remorquer les vaisseaux au large, mais comme on le verra plus loin, tous les efforts ne purent pas les empêcher d'être portés près du récif. Cependant, les pirogues s'approchaient. L'une d'elles arriva tout près de la résolution. Elle était montée par 2 hommes presque nus, qui avaient une espèce de turban sur la tête et une ceinture autour des reins. Ils agitaient une large feuille verte en poussant des acclamations multipliées « Tayo, Tayo, ami ». Jetâmes à ces insulaires un présent de clous, de verroterie et des médailles. Ils nous offrirent en retour une grande tige de bananier, c'est-à-dire un symbole de paix, et exprimèrent le désir qu'on l'exposât dans la partie la plus en vue du vaisseau. On la plaça, en effet, sur les haubans du grand mât, et alors les 2 ambassadeurs retournèrent à terre. Bientôt, nous aperçûmes sur la côte une foule de gens qui nous regardaient, tandis que d'autres montaient leurs pirogues et les chargeaient des différentes productions du pays. Nous fûmes environnés d'une 100aine de canots, portant chacun 1, 2, 3 et quelquefois 4 personnes. Celles-ci nous montraient une confiance parfaite et n'avaient aucune arme. Le son amical de « Tayo, Tayo » retentissait partout. Nous le répétions de bon cœur et avec le plus vif plaisir. Nous achetâmes des noix de coco, des bananes, des fruits à pain et d'autres végétaux, du poisson, des pièces d'étoffe, des hameçons, des haches de pierre, etc. Les pirogues, remplissant l'intervalle qui se trouvait entre notre vaisseau et la côte, présentaient le tableau d'une nouvelle espèce de foire. La bonté était peinte sur les traits des Tahitiens qui nous entouraient. Leur maintien était agréable et leur teint d'un brun pâle. Leur taille ne surpassait pas la nôtre. Ils avaient de beaux cheveux et de beaux yeux noirs. Nous remarquâmes plusieurs femmes assez jolies pour attirer notre attention. Les 2 sexes étaient embellis, ou plutôt défigurés, par ces singulières taches noires, le tatouage, dont parlent les premiers voyageurs. Ils ne tardèrent pas à venir à bord. La douceur singulière de leur caractère se montrait dans leur regard et dans toutes leurs actions. Une chaloupe venait d'être détachée en avant pour sonder le récif quand tout à coup le vaisseau toucha. Notre position était devenue de plus en plus dangereuse. Nous espérions pourtant encore pouvoir doubler la pointe occidentale du récif et gagner la baie. À 2 heures de l'après-midi, nous arrivâmes en travers d'une ouverture dans le récif, ouverture à travers laquelle je comptais faire passer les vaisseaux. Mais quand on l'examina, on reconnut qu'il n'y avait pas assez d'eau, quoique le flot s'y portât en abondance. Cette dernière circonstance faillit être funeste à la résolution, car dès que les bâtiments entrèrent dans ce courant, ils furent jetés avec impétuosité sur le récif. Les horreurs du naufrage s'offrirent alors à nos yeux. Nous n'étions pas à plus de 2 encablures des brisants, et ne pouvant point trouver le fond pour mouiller, nous ne voyions aucun moyen probable de nous sauver. On jeta cependant une ancre, mais avant qu'elle eût pris fond, le vaisseau n'arriva à n'avoir que 2 à 3 brasses d'eau et à coucher à chaque coup de mer. Les vagues se brisaient en houle terrible au-dessous de notre poupe, ce qui nous menaçait à chaque moment d'être engloutis. Heureusement, l'aventure vint se placer à notre avant sans se briser, et toutes les chaloupes travaillèrent à l'instant à remorquer la résolution au large. Un souffle de vent s'éleva de terre au même moment, ce qui aida les chaloupes, et bientôt nous fûmes hors de danger. L'aventure en fut quitte pour prendre ses 3 ancres, 1 de ses câbles et 2 haussières. Nous nous retrouvâmes en pleine mer, après avoir couru grand risque de faire naufrage sur cette même côte que nous désirions quelques jours auparavant si ardemment revoir. Durant cette position si alarmante, plusieurs naturels du pays étaient à bord et autour des vaisseaux. Ils paraissaient insensibles à nos dangers. Ils ne montraient ni surprise, ni joie, ni crainte quand les bâtiments touchaient. Cependant, ils nous aidaient machinalement à virer le cabestan et à manier les cordages. Le lendemain 17, nous mouillâmes dans la baie d'Ohaïti, Pia. Les deux vaisseaux furent bientôt remplis d'un grand nombre de naturels du pays qui nous apportaient des noix de coco, des bananes, des pommes, des ignames et autres racines qu'ils échangèrent contre des clous et des verroteries. Les cris de ces insulaires nous étourdissaient. Les pirogues chaviraient souvent, mais ces accidents ne les déconcertaient point, car les hommes et les femmes sont d'habiles nageurs. En montant sur nos ponts, ils avaient dérobé diverses bagatelles. Quelques-uns même, que nous avions le dos tourné, rejetaient dans leur pirogue ou à la mer les noix de coco que nous avions déjà achetées une fois à leurs camarades, qui venaient sur le champ nous les revendre une seconde fois. Afin de les dégoûter de cette friponnerie, on les chassa des vaisseaux après les avoir punis du fouet, châtiment qu'ils supportèrent avec patience. L'un de nos officiers, voulant donner des grains de verre à un enfant de 6 ans qui était sur une pirogue, les laissa tomber dans la mer. Immédiatement, l'enfant se jeta à l'eau et plongea jusqu'à ce qu'il les eût rapportés du fond. Afin de récompenser son adresse, nous lui jetâmes d'autres bagatelles, et cette générosité tenta une foule d'hommes et de femmes qui nous amusèrent par des tours surprenants d'agilité au sein des flots. Non seulement ils repêchaient des grains de verre répandus par nous sur les vagues, mais même de grands clous qui, plus pesants, descendaient promptement à une profondeur considérable. Quelques-uns restaient longtemps sous l'eau, et nous nous émerveillions de la prestesse avec laquelle ils plongeaient. Les ablutions fréquentes que pratique ce peuple lui rendent l'art de nager familier dès la plus tendre enfance. À voir leur position aisée dans l'eau et la souplesse de leurs membres, nous regardions ces gens presque comme des animaux amphibies. Le 18 août, ayant commencé nos excursions dès le grand matin, nous contemplâmes avec ravissement la scène charmante qui s'offrit à nos yeux. Le havre où mouillaient les vaisseaux était très petit et ne pouvait contenir d'autres navires. L'œil était aussi uni qu'un miroir, tandis qu'en dehors du récif, la mer se brisait en écume blanche. La plaine au pied des collines resserrée en cet endroit présentait l'image de la fertilité, de l'abondance et du bonheur. Elle s'étendait devant nous entre les collines et formait une longue vallée étroite couverte de plantations où des habitations apparaissaient çà et là. Les pentes des collines, revêtues de bois, s'en allaient, par une agréable graduation, jusqu'aux montagnes de l'intérieur qu'on apercevait à l'horizon séparées en différents pics. Il y avait entre autres une pointe remarquable dont le sommet recourbé d'une manière effrayante semblait à chaque instant sur le point de tomber. La sérénité du ciel, la douce chaleur de l'air, la beauté du paysage, tout enchantait notre imagination et nous inspirait la gaieté. Plus nous avancions, plus nous reconnaissions la fidélité du tableau que M. de Bougainville a tracé de ce pays qu'il compare à l'Élysée. Entrant dans un bosquet d'arbres à pin, sur la plupart desquels nous ne vîmes point de fruits à cause de la saison, on était en plein hiver, nous suivîmes un sentier bien tenu mais étroit qui nous conduisit à plusieurs habitations à demi cachées sous des arbrisseaux. De grands palmiers s'élevaient au-dessus des autres arbres, des bananiers déployaient leurs larges feuillages et l'on apercevait çà et là quelques bananes bonnes à manger. D'autres arbres, au feuillage d'un vert sombre, portaient des pommes d'or qui, par la chair juteuse et la saveur, ressemblaient à l'ananas. Les espaces intermédiaires étaient remplis de petits mûriers dont les insulaires emploient l'écorce à fabriquer des étoffes de diverses espèces, d'igname et de canne à sucre. Les cabanes des naturels, placées à l'ombre des arbres fruitiers, sont peu éloignées les unes des autres et entourées d'arbrisseaux odorants tels que le gardenia, le guettardia et le calophyllum. Nous ne fûmes pas moins charmés de l'élégante simplicité de leur structure que de la beauté naturelle des bocages qui les environnent. Les longues feuilles du palmier pendant servent de couverture à ces habitations et l'arbre à pin en forme les colonnes. Comme un simple toit suffit pour mettre les Tahitiens à l'abri des pluies et des rosées, et que le climat de cette île est peut-être l'un des plus délicieux de la terre, les maisons sont ouvertes sur les côtés. Nous vîmes devant chaque hutte des groupes d'habitants couchés, comme les orientaux, sur un vert gazon ou sur une herbe sèche, et passant ainsi des heures fortunées dans la conversation ou le repos. Les uns se levaient à notre approche, se joignaient à la foule et nous suivaient, mais les autres, et c'était le plus grand nombre, se contentaient de nous dire taillot quand nous passions près d'eux. Ceux qui nous virent assembler des plantes s'empressèrent d'en cueillir de pareilles qu'ils vinrent nous offrir. Les bocages d'arbres à pain étaient remplis de petits oiseaux, dont le chant est très agréable, quoi qu'on dise communément en Europe, je ne sais pourquoi, que les oiseaux des climats chauds sont privés du talent de l'harmonie. De très petits perroquets, d'un joli bleu de saphir, habitaient la cime des cocotiers les plus élevés, tandis que d'autres, d'une couleur verte tachetée de rouge, se montraient plus ordinairement parmi les cabanes et souvent dans les habitations des naturels, qui les apprivoisent et estiment beaucoup leurs plumes rouges. Un martin-pêcheur d'un vert sombre et à cou blanc, un gros coucou, plusieurs sortes de pigeons et de tourterelles, sautillaient d'une branche à l'autre, tandis qu'un héron bleuâtre se promenait gravement sur le bord de la mer, mangeant des coquillages et des vers. Jusqu'à présent, aucun Tahitien n'avait demandé de nouvelles de Tupia. Le 18 au soir, deux ou trois s'informèrent de lui. Dès qu'ils apprirent la cause de sa mort, ils ne firent plus de questions, et il ne parut pas qu'ils en fussent affligés. Ils parlèrent aussi peu d'Aotourou, le Tahitien qu'avait emmené M. de Bougainville, mais ils m'entretinrent sans cesse de M. Banks et de plusieurs autres personnes qui étaient avec moi lors du premier voyage. Le 19, dans une excursion, nous passâmes près d'un petit hangar où cinq à six femmes, assises des deux côtés d'une longue pièce de bois carré, battaient l'écorce fimeuse du mûrier pour en fabriquer leurs étoffes. Elles se servaient pour cela d'un morceau de bois carré rayé de sillons longitudinaux et parallèles plus ou moins serrés. Elles s'arrêtaient un moment pour nous laisser examiner l'étoffe, le maillet et la poutre qui leur servaient de table. Elles nous montrèrent aussi dans une coque de noix de coco une espèce d'eau glutineuse dont elles se servaient de temps à autre pour coller ensemble les morceaux d'écorce. Cette colle, extraite de l'hibiscus esculentus, est absolument nécessaire dans la confection de ces immenses pièces d'étoffe qui, larges de 6 à 9 pieds et longues de 150, sont néanmoins composées de petits fragments d'écorce fort minces. Un peu plus loin, un homme dont le regard prévenait en sa faveur nous invita à nous asseoir à l'ombre devant sa cabane. Il étendit pour nous des feuilles de bananier sur le sol d'une petite cour pavée de larges pierres et apportant un petit banc de bois fait d'une seule pièce, il pria celui d'entre nous qu'il croyait être le principal personnage de s'y asseoir. Quand nous fûmes tous assis, il alla dans sa maison chercher des fruits à pain cuit qu'il nous offrit sur des feuilles vertes de bananier, et il nous présenta en outre un panier de nattes plein de pommes de Tahiti, dont le goût ressemble à celui de l'ananas. Nous déjeunâmes de bon cœur. L'exercice que nous venions de prendre, l'air frais du matin, l'excellence de ces fruits, avaient excité notre appétit. La méthode tahitienne d'apprêter le fruit à pain et les autres aliments en les faisant cuire entre des pierres chaudes nous parut fort supérieure à celle de nos cuisines. Pour que rien ne manquât à son festin, notre hôte ouvrit cinq noix de coco. Il versa dans une tasse très propre, qui n'était autre chose qu'une coque de noix de coco, la liqueur fraîche et limpide qu'elle renfermait, et chacun but à son tour. Les insulaires nous avaient témoigné dans toutes les occasions de la bienveillance et de l'amitié. Mais nous n'avions pas encore vu d'exemple d'une hospitalité exercée d'une manière si complète. Nous tâchâmes de récompenser notre ami en lui offrant des verroteries et des clous de fer qui lui causèrent une joie extrême. Le 20 à midi, je fis avec plusieurs officiers une promenade à la pointe orientale du Havre. Un homme d'un âge mûr, qui était couché fort tard à son aise au milieu d'une cabane, nous invita à nous asseoir près de lui et examina avec curiosité mon habillement. Les ongles de ses doigts étaient très longs, il en paraissait fier. C'est une marque de distinction parmi eux, parce que pour les laisser croître de cette longueur, il ne faut pas être obligé de travailler. Les Chinois ont la même coutume. Il est difficile de déterminer si les Tahitiens l'ont tiré de l'extrémité de l'Asie ou si le hasard les a conduits à la même idée. Lorsque nous poursuivîmes notre route, un jeune homme d'une physionomie agréable et douce, qui s'était distingué par des démonstrations particulières d'amitié pour nous, fut chargé du portefeuille où M. Hodges conservait les esquisses et dessins qu'il faisait en se promenant. Ce naturel parut enchanté de cette confiance. Il se regarda comme un personnage devenu plus important aux yeux de ses compatriotes. Cette circonstance produisit bonne impression sur tous ceux qui nous entouraient, car leur familiarité et leur affection semblèrent fort augmentées. Nous entrâmes ensemble dans une hutte spacieuse où nous vîmes une nombreuse famille assemblée. Un vieillard au visage calme était couché sur une natte et appuyait sa tête sur un petit tabouret qui lui servait de coussin. Les cheveux blancs couvraient sa tête vénérable et une barbe épaisse, aussi blanche que la neige, descendait sur sa poitrine. Il avait les yeux vifs et ses joues arrondies annonçaient la santé. Son visage avait peu de rides, car l'inquiétude, la peine et le chagrin qui sillonnent nos fronts de si bonheur sont peu connus de cette nation fortunée. De jeunes enfants que nous prîmes pour ses petits-fils, absolument nus, suivant la coutume du pays, jouaient avec le vieillard. Charmé de ces tableaux de bonheur qui s'offraient à nos yeux, M. Hodges remplit son portefeuille de dessins qui transmettront à la postérité les beautés d'une scène que les paroles seules sont impuissantes à rendre. Quand il dessinait, tous les naturels le regardaient attentivement, et il semblait enchanté de trouver de la ressemblance entre ses portraits et les gens qu'il avait voulu représenter. Notre connaissance de leur langue, malgré nos efforts pour l'apprendre, était encore très imparfaite, ce qui nous privait du plaisir de converser avec ces bonnes gens. Quelques mots et une pantomime expressive nous tinrent lieu d'un discours suivi. Le vieillard, sans changer d'attitude, la tête toujours appuyée sur le tabouret, nous posa plusieurs questions auxquelles nous répondîmes de notre mieux. Et cette visite se termina par divers petits présents de verroterie et autres bagatelles. En revenant, nous entrâmes dans l'habitation d'un homme très gras, qui semblait chef du canton que nous traversions et qui se berçait voluptueusement sur son coussin de bois. Deux domestiques préparaient devant lui son dessert en mêlant de l'eau, du fruit à pain et des bananes dans une grande écuelle de bois où ils avaient soin d'ajouter de la pâte aigrelette de fruits à pain fermentés. Ils se servaient pour cela d'un pilon de pierre noire polie qui me parut être une espèce de basalte. Pendant ce temps, une femme assise près de lui fourrait à poignée dans la bouche de ce glouton les restes d'un grand poisson bouilli et plusieurs fruits à pain qu'il avalait avec un appétit vorace. Une insensibilité parfaite était peinte sur ce visage, et je jugeais que toutes ses pensées se bornaient aux soins de son ventre. Il daignait à peine nous regarder. Il prononçait quelques monosyllabes quand nous jetions les yeux sur lui. C'était seulement pour engager sa nourrice et ses valets à faire leur devoir avec empressement. J'avais pris à bord de l'eau, des fruits et des racines, et je résolus d'appareiller le lendemain pour ma travaille. Deux naturels du pays, instruits de ce dessin, couchèrent à bord, afin d'aller avec nous à ma travaille. Ce furent les premiers qui, dans ce voyage, y passèrent la nuit. Dans la précédente expédition, les habitants de la baie de ma travaille couchaient souvent sur l'Endeavour. Le 24, dès le grand matin, nous prîmes la mer avec une brise légère de terre. Nous approchions peu à peu de la côte, poussé par une petite brise. Le soleil couchant répandait sur le paysage une charmante couleur de pourpre. Le district de ma travaille, qui se montrait à nos yeux, présentait une plaine plus étendue que nous ne l'attendions. Nous aperçûmes un homme qu'on dit être le roi Outou. Il était grand et d'une taille bien prise. Il se retira lentement avec ses sujets, auxquels vraisemblablement nous faisions peur. Nos ponts étaient remplis de Tahitiens avant d'avoir jeté l'ancre. J'en connaissais la plus grande partie, et ils me connaissaient tous. Une autre foule nombreuse était réunie sur la côte. Le roi Outou, ainsi que je viens de le dire, se trouvait parmi ces gens. Comme chacun semblait charmé de me revoir, je ne pouvais concevoir la cause de sa fuite ni de sa frayeur. Un chef, nommé Maritata, qui était alors à bord, me conseilla de différer l'entrevue jusqu'au lendemain matin. Il promit de m'accompagner, et il tint sa parole. Après avoir donné ordre de dresser des tentes pour les malades, les tonneliers, les voiliers, la garde, je partis le 26 afin de me rendre auprès du roi Outou à Opari. Le capitaine Furneaux, M. Forrester, Maritata et sa femme m'accompagnaient. Dès que nous fûmes dans la pinasse, Maritata et sa femme y entrèrent sans aucune cérémonie et se mirent aux meilleures places de l'arrière. Ils furent suivis d'une foule de leurs compatriotes, mais encore ils remplissaient tellement le bateau que les matelots ne pouvaient plus manier leurs rames. Il fallut en chasser la plus grande partie. Ceux qu'on expulsa ainsi n'étaient pas trop contents, car ils avaient paru très fiers de s'asseoir sur notre petit bâtiment, qui était nouvellement peint et qui avait un très joli abri vert pour préserver du soleil. Nous côtoyâmes de près un des plus beaux districts de Tahiti, où les plaines paraissaient très spacieuses et où les montagnes se prolongeaient en pente douce jusqu'à une longue pointe. Un nombre prodigieux d'habitants bordait les côtes, couvertes d'herbes et de palmiers jusqu'au bord de l'eau. La multitude nous reçut avec des acclamations de joie, et l'on nous conduisit à un groupe de maisons cachées sous des arbres. On nous mena ensuite à Outou. Il était assis à terre, les jambes croisées, à l'ombre d'un arbre, et une immense troupe de ses sujets formait un cercle autour de lui. Après les premiers compliments, je lui offris tout ce qui me parut avoir le plus de prix à ses yeux. Je sentais combien il était important de gagner l'amitié de cet homme. Le roi s'informa de Tupia et de tous les officiers, naturalistes, etc., qui étaient sur l'Endeavour lors de mon premier voyage. Il les désigna par leur nom, quoique je ne me souvienne pas qu'il en ait connu personnellement aucun. Il m'assura qu'on m'amènerait le lendemain quelques cochons, mais j'eus toutes les peines du monde à lui arracher la promesse qu'il viendrait me voir à bord. Il me dit qu'il craignait les canons. Toutes ces actions annonçaient en effet la timidité de son caractère. Il avait environ 30 ans, une taille de 6 pieds anglais, 1m80. Il était beau, très bien fait, et de bonne mine. Ses sujets, son père n'en étant pas excepté, paraissaient devant lui découverts. On entend ici par découvert qu'ils avaient la tête et les épaules nues et qu'ils ne portaient aucune espèce de vêtement au-dessus de la poitrine. Le roi de Tahiti n'avait jamais vu nos compatriotes durant mon premier voyage. Son oncle, Totaha, avait à cette époque l'administration de toutes les affaires, et il craignait probablement de perdre son crédit parmi les Européens s'il venait à découvrir qu'il n'était pas le plus grand personnage de l'île. On ne sait pas si Totaha avait usurpé son autorité. Les oncles, tantes, cousins et autres parents de Sa Majesté, parmi lesquels nous étions assis, s'empressaient à l'envi de jeter sur nous des regards de tendresse, de nous faire des démonstrations d'amitié, et de nous demander des grains de verre et des clous. Il était difficile de rien donner à des vieillards vénérables, qui, d'une main que l'âge allait bientôt paralyser, pressaient les nôtres avec ardeur et nous adressaient leurs prières d'un ton de confidence qui ne pouvait manquer de nous bien disposer. Les femmes âgées étaient sûres d'obtenir quelque chose, en mêlant adroitement un peu de flatterie à leurs sollicitations. Elles s'informaient habituellement de nos noms, et nous adoptant ensuite comme leurs fils, elles nous présentaient plusieurs parents que nous donnait cette adoption. Après beaucoup de petites caresses, la vieille en arrivait à nous dire « Bima poe aite ano te taio metua » c'est-à-dire « N'avez-vous pas quelques petites choses pour votre bonne mère ?» Une pareille épreuve de notre attachement filial produisait bien entendu toujours son effet. Les jeunes femmes gagnaient notre affection en nous rappelant du tendre nom de frère. La plupart étaient belles, et elles faisaient toutes des efforts continus pour nous plaire. Nous fûmes bientôt récompensés de nos présents, surtout par les femmes, qui envoyèrent à l'instant leurs domestiques chercher de grandes pièces de leurs plus belles étoffes teintes en écarlate, en couleur rose ou paille, et parfumées de leurs huiles les plus odorantes. Elles les drapèrent par-dessus nos habits, et nous en chargèrent si bien qu'il nous était difficile de remuer. Après ces présents mutuels, elles nous firent toutes sortes de questions sur Tavano, M. Banks, sur Tolano, M. Solander, et très peu sur Tupia. Pendant cette conversation, notre Écossais réjouit infiniment les Tahitiens en jouant de la cornemuse. Le roi fut si charmé de son talent, qui était médiocre, qu'il lui fit donner une grande pièce d'étoffe. Le 27, dès le grand matin, Otu vint me voir avec une suite très nombreuse. Il envoyait d'abord une grande quantité d'étoffes, de fruits, un cochon et 2 gros poissons. Je priai Sa Majesté de monter à bord, mais le prince n'y consentit qu'après que j'eusse été enveloppé d'une quantité prodigieuse des plus belles étoffes du pays, ce qui me donna une grosseur monstrueuse. Sa Majesté entra dans la grande chambre, accompagnée par tous les insulaires de sa suite, qui avaient à peine assez de place pour remuer. Chacun d'eux se choisit parmi nous un ami, et des présents réciproques furent le sceau de ces liaisons. Quand il fallut s'asseoir pour déjeuner, ils furent frappés de la commodité de nos chaises. Le roi fut très attentif à notre déjeuner. Il était fort étonné de nous voir boire de l'eau chaude, du thé, et manger des fruits à pain avec de l'huile, du beurre. Il ne voulut goûter d'aucun de nos mets. Ses sujets ne furent pas si réservés. Le lendemain, j'allai rendre visite au roi, qui m'en avait exprimé le désir. J'étais accompagné du capitaine Furneaux et de plusieurs officiers. Nous lui fîmes présent de divers objets qu'il ne connaissait pas encore, entre autres un grand sabre. La vue seule de cette arme l'effraya tellement que j'eus beaucoup de peine à lui persuader de l'accepter et de la ceindre. Il ne la porta que peu de temps à son côté et me pria tout de suite de le détacher et de permettre qu'on l'ôtât devant de ses yeux. On nous mena ensuite au théâtre où l'on joua pour nous un Ebéa, pièce dramatique et dialoguée avec danse. 5 hommes et une femme qui n'étaient rien moins que la sœur du roi composait la troupe d'acteurs. Il n'y avait d'autre musique que 3 tambours. La comédie dura environ 1h30 ou 2 heures et fut assez bien jouée. Il ne nous fut pas possible d'en deviner le sujet. Quelques parties semblaient adaptées à la circonstance présente, car mon nom y revenait souvent. D'autres, au contraire, n'avaient certainement point rapport à nous. En somme, cette pièce ne nous paraît différer que par l'exécution de celle que nous avions vue à Oulietia lors de mon premier voyage. Les malades avaient à peu près recouvré la santé, les futailles étaient réparées, nous avions fait assez d'eau. Enfin, nous étions prêts à reprendre la mer et je résolus de ne pas différer plus longtemps. Le 1er septembre 1773, je fis enlever tout ce qui se trouvait sur la côte et préparer les vaisseaux à démarrer. Le vent qui avait soufflé de l'ouest toute la matinée, ayant passé tout d'un coup à l'est, nous appareillâmes. Quelques heures avant que nous missions à la voile, un jeune homme, appelé Poréo, vint me prier de l'embarquer avec nous. J'y consentis parce que j'espérais que dans l'occasion il nous serait utile. Plusieurs autres s'offrirent de même, mais je refusai de les prendre. Quoique Poréo parut assez content de partir, il ne put pas s'empêcher de pleurer en voyant le navire s'éloigner de terre. Nous quittâmes avec beaucoup de regret cette île délicieuse.